La page Trump se tourne un peu plus nettement et formellement ce soir. Les grands électeurs élus le 3 novembre dernier vont désigner Joe Biden 46e président des États-Unis. Quelle sera l'attitude de Donald Trump dans les semaines à venir? À quoi va ressembler son départ de la Maison-Blanche? Ah ben une transition délicate, Jean Lebrun. Un exemple dans l'histoire récente, 74, Nixon qui doit partir après le scandale du Watergate. Observez que la comparaison qu'on va faire trouve vite ses limites. L'entourage et le parti républicain de l'époque Nixon, bien différents de ceux d'aujourd'hui, ne l'encourageaient pas à la dénégation. Le secrétaire à la Défense, craignant qu'il ne songe à recourir à l'armée, avait indiqué aux généraux que les ordres du président devaient dorénavant être consignés par lui. Surtout, Nixon croyait qu'il y avait au-dessus de lui-même une instance supérieure, la patrie ou bien Dieu. Avant de démissionner, scène célèbre, il força son secrétaire d'État Kissinger à s'agenouiller à ses côtés et à prier. Il n'était pas soumis à la seule jouissance de son pouvoir. Cela dit, les deux hommes, Trump, Nixon, ont ou vont risquer gros après leur départ. Septembre 1974, le procès du Watergate se prépare activement. Il a démissionné Nixon au mois d'août. À peine revenu dans sa propriété de Californie, il reçoit deux citations à comparaître. À New York, ses voisins le jugent indésirable sur la 5e avenue. Des caricatures, comme pour Trump aujourd'hui, circulent qu'il représente en tenue de bagnard. L'État de Californie lui impose un redressement fiscal, tandis que le Congrès démocrate diminue de 3/4 sa retraite d'ancien président. Il va être noyé sous les honoraires d'avocat. Mais d'abord, phlébite, début de thrombose. L'hôpital, il frôle la mort en octobre 1974. Une année agréable. Le salut vient de son successeur qui lui accorde son pardon. Gerald Ford, que Nixon avait fait nommer vice-président, lui doit beaucoup. Il sait qu'il va beaucoup gagner en impopularité en graciant Nixon. Il le fait néanmoins. Il protège ainsi son prédécesseur de toute poursuite de niveau fédéral pour crime contre les États-Unis. Et cette question de la grâce revient à chaque transition, particulièrement cette année. Oui, le président a en effet le pouvoir de commuter et d'alléger les peines prononcées au niveau fédéral toujours, ou même d'effacer les chefs d'accusation. Carter a accordé une amnistie générale aux personnes qui s'étaient soustraites à la conscription pendant la guerre du Vietnam, commençant ainsi à devenir le meilleur ex-président que les États-Unis aient connu. Titre que personne ne lui conteste tant il mène une vie de vertu en Géorgie. Clinton, lui, plus pragmatique, a gracié son demi-frère. Et un financier en fuite, dont l'épouse deviendra ensuite la plus grande contributrice à sa bibliothèque présidentielle. Trump, lui, a déjà gracié le 25 novembre son ancien conseiller Flynn, enlisé dans un méandre de l'ingérence russe dans la campagne de 2016. En revanche, il a fait reprendre les exécutions fédérales des condamnés à mort. Il en espère encore 5 d'ici la fin de son mandat, histoire d'affirmer son image de champion de l'ordre. Et au fond, le président pourrait se gracier lui-même ? Je vous répondrai, cher Bruno, par un antique précepte qui s'énonce d'une manière parfaitement claire en latin. Nemo iudex in causa sua. Que je traduis sans difficulté, nul ne peut être juge de sa propre cause. Ben oui, la Cour suprême en 1866 a acquis le principe de la grâce présidentielle sans contrôle du progrès, mais les États-Unis n'ont pas encore fait l'expérience d'une tentative présidentielle d'auto-amnistie, on ne sait jamais. En 1974, Nixon y avait évidemment pensé, mais son ministre de la Justice avait alors fait savoir que c'était impossible. Eh bien, aujourd'hui, certains spécialistes du droit prétendent que ça pourrait se défendre. Et Trump a mentionné l'hypothèse l'été dernier, et récemment un animateur de Fox News. Nixon a eu raison de préférer attendre le pardon de Gerald Ford. Il s'est cependant retrouvé financièrement ruiné. Mais avec la rédaction de ses mémoires et quelques interviews, formidablement rémunérées, il a retrouvé le chemin de l'aisance. En outre, il avait un beau bilan international à défendre et il a fini par retrouver un rôle de sage et sa mort. En 1994, 20 ans après sa chute, a fait l'objet d'un deuil national.